Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire à Moncton, les marxistes-léninistes en Acadie. C'était des années de contestation. Tu avais tout le mouvement étudiant. Ici, à Moncton, tu avais tout le mouvement sur les principes linguistiques avec le maire Jones. Tout ça qui nous faisait qu'on remettait beaucoup de choses en question. Puis aussi, on était aussi conscients de toutes les dictatures qui existaient dans le monde, de l'exploitation des gens dans les pays défavorisés et tout ça. Et au point de vue principe, au point de vue idéologique, il y a beaucoup d'éléments qui pouvaient attirer des gens comme moi. L'ancien militant marxiste-léniniste Gilles Thériault, qui a aussi longtemps été secrétaire général de l'Union des pêcheurs du Nouveau-Brunswick, à l'émission Parfum d'aujourd'hui en 2002. Dans cet extrait, Gilles Thériault se rappelle l'époque des années 70 et 80, où son rêve d'un monde meilleur passait par la Révolution. Cette époque où, ici même, sur le campus de l'Université de Moncton, d'où vous parvient cette émission, une partie de la jeunesse acadienne avait, elle aussi, décidé d'embrasser les idées du mouvement marxiste-léniniste. Mon père n'était pas d'accord avec mon orientation politique, avec mon engagement, mais je pense qu'il n'a jamais douté de ma sincérité. Il me connaissait très bien, bien sûr. Il savait que je n'étais pas là pour abuser ou profiter de quoi que ce soit, mais que j'étais sincère, que j'étais peut-être naïf, mais j'étais sincère dans ma volonté de vouloir aider les gens, de vouloir améliorer le sort des Acadiens, etc., etc. Alors, dans ce sens-là, il dit, Gilles, tu te trompes, mais au moins, je sais que tu es sincère dans ta démarche. Puis au moins, on avait au moins cette entente-là. D'autre part, c'était assez quand même provocant pour bien des gens qui de parler de communistes puis de dire, vous autres, êtes-vous vraiment des communistes? Êtes-vous vraiment des socialistes? Moi, il y a des pêcheurs, je travaillais avec des pêcheurs à l'époque qui me disaient ça, puis ils ne comprenaient pas. Ils disaient, Gilles, tu as l'air d'un gars bien ordinaire, tu n'es pas un monstre, mais pourtant, tu es un socialiste, ça ne marche pas, tu sais. Alors, dans ce sens-là, quand même, c'était... Puis aussi, il y avait des gens qui, carrément, qui ne nous aimaient pas du tout, puis... Parfois, on nous aurait même lancé des injures et des insultes, ou bien d'autres auraient dit, tu sais, ces gens-là, tant qu'ils seront là, on ne reconnaîtra jamais les organisations de pêcheurs à cause des personnes comme Gilles Thériault, parce qu'ils sont des socialistes, ou ils sont des communistes, ou ils sont des marxistes, des trucs comme ça. Alors, il y avait toute cette pression-là aussi. Alors, c'était des années très intenses. À nouveau, Gilles Thériault à l'émission Parfum d'aujourd'hui en janvier 2002. Pour nous rappeler ces belles années du marxisme-léninisme en Acadie, je reçois Philippe Volpé, qui est chercheur postdoctoral à l'Institut des études acadiennes de l'Université de Moncton, qui vient de faire paraître avec Julien Massicotte l'ouvrage « Au temps de la Révolution acadienne, les marxistes-léninistes en Acadie ». Philippe Volpé, bonjour. Bonjour. Quel poids politique ils ont eu, ces marxistes-léninistes en Acadie, sur le plan politique, sur le plan social, dans quelle mesure ils ont été importants? Le mouvement marxiste-léniniste en Acadie est un mouvement de petite taille, hein, qui a regroupé là, une poignée de militantes, de sympathisants et d'amis, mais... des personnes qui étaient excessivement engagées, hein, qui ont marqué, ébranlé de grands pans des mobilisations sociopolitiques en Acadie des années 70-80. De sorte que si on veut comprendre ces années-là, on ne peut pas faire fi hein, de ces années rouges, de cette ferveur communiste, où des militantes et des militants comme celui qu'on vient d'entendre s'étaient permis de rêver à une société idyllique, sans classe et sans injustice. Donc, c'est une force réelle qui a compté dans la dynamique politique et sociale du Nouveau-Brunswick, malgré le fait qu'ils étaient combien, de fait? Une trentaine de membres à tout casser. Oui. À ça, on ajoute là, des dizaines de sympathisants. C'est un mouvement qui, on pourra le voir au long de l'émission, on luttait dans la clandestinité. C'est toujours un peu difficile à quantifier. Mais un petit mouvement, mais qui a eu de grands impacts et sur les mobilisations collectives. Et qui s'infiltrait un peu partout dans les mouvements communautaires, dans les mouvements, dans le mouvement syndical. Exactement. Hein. Ils ont été de nombreuses luttes. En fait, c'est difficile de rencontrer un mouvement. Ça a été un peu à l'origine du livre, un mouvement, un groupe où il n'y aurait pas eu là, de marxistes-léninistes directement ou indirectement impliqués en Acadie. Il faut dire que ce mouvement marxiste-léniniste en Acadie, il naît dans un contexte bien particulier et ceci explique cela, en partie en tout cas, parce que les années 70 en Acadie, c'est une décennie où ça se passe très difficilement sur le plan économique, grande difficulté économique. La grève, il y a donc beaucoup de taux de chômage très élevés, des mouvements de grève, une grève entre autres, celle de l'usine de textile Sirtex à Caraquet, dont peut-être certains auditeurs de l'Acadie se souviennent encore. Ça, c'est un très bon exemple de ce contexte vraiment très difficile économiquement à l'époque. Ça va durer 13 mois au total, cette grève-là. On écoute le journaliste Achille Michaud, à l'époque, faire le point à propos de cette grève en juillet 1975. La grève dure 13 mois au total. Au moment où Achille Michaud débarque à Caraquet, on est au 7e mois de la grève. Caraquet est redevenu comme avant, ou presque. La grève à la Sirtex n'est plus le sujet de discussion numéro un. Même chez les grévistes, on serait porté à croire que l'intérêt décline. La ligne de piquetage ainsi que le local des pauvres que vous voyez présentement ne sont en effet plus fréquentés avec la même assiduité qu'au cours des grands froids de l'hiver dernier. La plupart de ces grévistes, après 7 mois de grève, se seraient en effet trouvé un nouvel emploi. Monsieur Roy, qu'est-ce que vous faites maintenant? Je suis livreur pour un employeur de la région de Caraquet. Depuis quand? Depuis environ 2 mois. D'après vous, comment est-ce qu'on peut qualifier la situation qui prévoit Caraquet depuis le 2 décembre? C'est une situation de grève, mais je pense que c'est un peu plus. C'est une situation peut-être de la fin d'un système capitaliste tel qu'on l'a connu. Ce sont les gens qui se révoltent, qui ne veulent pas travailler pour des salaires inférieurs, pour des conditions de travail qui ne sont pas humaines. Et peut-être que ce sont les Acadiens qui enfin disent « on gagne notre point ou on laisse ». Donc ça, c'est un bon exemple, la grève de Sirtex, Philippe Volpé, des difficultés économiques que traverse l'Acadie des années 70. Parlez-moi de ça. À quoi ressemble cette Acadie politiquement, socialement, économiquement? Et dans quel contexte va donc naître ce mouvement marxiste-léniniste? Ce discours aussi, on écoute ça aujourd'hui, puis ça fait sourire. Mathilde Blanchard. Oui, Mathilde Blanchard. Une figure de proue du syndicalisme en Acadie. On n'entend plus Michel ça. Michel de Chartrand de l'Acadie, finalement. Donc c'est un discours, c'est un mouvement qui défend vraiment la classe ouvrière. Oui, très, très exactement. Et pour ce qui en est du contexte, il faut voir que le contexte socio-économique de l'Acadie des années 70 découle de ce qui s'est passé dans l'après-guerre avec la montée du keynésianisme, les vagues de rationalisation, d'urbanisation et d'industrialisation qui vont apporter avec la modernisation des moyens de production, une grande compétitivité qui vont affecter plusieurs secteurs en Acadie, hein, qui vont diminuer le nombre d'emplois dans les secteurs de la pêche, de l'industrie forestière, par exemple, et qui dit, bon, diminution du nombre d'emplois va aussi entraîner une hausse du taux de chômage. Hein. Dans la péninsule acadienne, au nord-est du Nouveau-Brunswick, le taux de chômage est à peu près 2 fois plus élevé que celui de la moyenne nationale dans l'ensemble des années 70. Oui. Ça va aller jusqu'à atteindre 19,5 %. C'est un haut. Haut taux d'assistance sociale aussi. Il y a des communautés acadiennes avec 30 %, voire davantage, d'assistés sociaux. Donc, on a là des bûcherons, des pêcheurs qui sont éreintés, condamnés à vivre avec d'incessantes courbatures, des travailleurs d'usine, comme dans le cas de la Sirtex, s'ils ne sont pas mis à pied, mènent des grèves pour essayer de revendiquer de meilleures conditions de travail, des assistés sociaux qui peinent à se loger, se vêtir, se nourrir, qui vivent dans l'insalubrité, qui sont exposés à de multiples maladies lorsqu'ils ne cèdent pas, finalement, à leur envie de se suicider. Oui. Alors, c'est face à ces disparités-là. Et la Sirtex, c'est un bon exemple, parce que d'abord, c'est une grève qui dure longtemps, ça fait mal, mais c'est aussi un symbole extraordinaire. C'est une compagnie, il faut peut-être rappeler ce que c'est, la Sirtex. C'est une multinationale japonaise qui vient s'implanter à Caraquet. On a des grands espoirs. C'est l'étranger qui arrive ici, c'est un peu ça. Ouais, on voit ça comme ça. Et est-ce que, là, quand les marxistes-lénistes vont commencer à se radicaliser, on va faire des liens avec, on va aller jusqu'à dire que ça ressemble à l'apartheid en Afrique, hein, c'est-à-dire qu'on accusait les dirigeants japonais qui accusaient les Acadiens de racistes à leur égard. Ils contestent parce qu'ils sont racistes. Puis eux, ils disent, ben non, on conteste parce que les chômeurs dans la région gagnent davantage d'argent que nous, donc, et les conditions de travail ne sont pas idéales. Et là, on va essayer d'obtenir toutes sortes de mesures pour amoindrir la visibilité de la grève, là, obtenir des injonctions en cours pour qu'il y ait seulement 2 grévistes, par exemple, ou on va créer un syndicat de boutique forgé par les patrons, ouais, pour, encore une fois, faire rentrer des scabs, des briseurs de grève, afin d'amoindrir la visibilité de la grève. Ce qui fait que, comme le témoignage qu'on vient d'entendre, finalement, après 7 mois, la visibilité était tellement moindre que, ça s'est un peu assoupi. On a un peu oublié ça, alors qu'elle s'est encore continuée pour 5 autres ouais. mois, cette grève-là. Oui. Ouais. C'est le début des années 70, donc difficultés économiques importantes, mais aussi un mouvement de le nationalisme acadien qui commence à prendre forme. Ça fait partie de l'équation, parce qu'il y aura très vite une équation qui va être faite en Acadie entre les conditions de pauvreté des Acadiens et leur appartenance culturelle. Et il y aura une première période du mouvement marxiste-léniniste qui va beaucoup graviter, qui va être en étroite association avec cette montée du nationalisme acadien. Ça va donner, entre autres, la fondation du Parti acadien. On écoute un extrait de reportage du journaliste Gérard Jolivet, parce que ça va être important, le Parti acadien, dans cette lutte-là. Extrait d'un reportage de Gérard Jolivet au moment du congrès de fondation du Parti acadien à Bathurst, en novembre 1972. Depuis 200 ans, les Acadiens ont toujours eu peur, se sont toujours cachés pour dire ce qu'ils pensaient. Nous pensons que la création d'un nouveau parti pourrait leur donner l'occasion de s'exprimer librement et ouvertement et de s'épanouir en tant qu'Acadiens. Et comment situez-vous le Parti acadien dans la prochaine campagne électorale? Bien, ce qui a été adopté aujourd'hui, c'est que le parti présenterait des candidats à la prochaine élection, mais que le but était surtout de se servir de la période électorale comme moyen de faire passer certaines idées, comme moyen aussi pour les travailleurs de dire ce qu'ils pensent. Maintenant, quant au financement de ce parti, quels sont vos projets? Eh bien, nous ne nous attendons pas à ce que les capitalistes et la haute finance du Nouveau-Brunswick nous appuient financièrement. Nous pensons qu'avec du bénévolat et avec peut-être une carte de membre, nous aurons suffisamment pour débuter et faire du beau travail. Alors, quelle importance va jouer ce fameux Parti acadien dans cette histoire du marxisme-léninisme en Acadie, Philippe Voilepé? Bien, le Parti acadien n'aura pas tant été un vecteur du marxisme-léninisme que peut-être une espèce de microcosme qui rassemblait à peu près toutes les idéologies militantes en Acadie de la période. Un peu comme le sera aussi la revue Lacaillin, le périodique de gauche en Acadie créé à la même époque, et les conseils régionaux d'aménagement. Pour faire le pont avec le Québec, c'est un peu comme le bureau d'aménagement de l'Est du Québec. Comme vous le disiez, il y a effectivement dans l'air à l'époque, il y a une convergence entre les questions économiques et nationales. Oui. Les Acadiennes et les Acadiens sont défavorisés en raison de leur statut socioculturel. Alors, on est à lire Albert Mimi, Franz Fanon, Jacques Berck, et comme le dira l'influent sociologue Alain Evin à l'époque, être pauvre au Nouveau-Brunswick, c'est un peu être francophone. Oui. Alors, là, le grand mot d'ordre, ce sera de libérer l'Acadie. Hein. Il faut l'émanciper de son oppresseur. L'oppresseur, c'est qui? C'est le méchant anglophone qui sera tantôt incarné par l'État ou encore par les industries. Et il y a plusieurs groupes, il y a plusieurs acteurs qui vont porter ces idéaux-là, comme le Front de libération de l'Acadie, par exemple, mais notamment aussi le Parti acadien, qui, au début des années 1970, se créera, là, influencé par ces idées de la décolonisation, qui sera l'une des composantes là, du projet économique que ces militantes et militants sont à élaborer là, pour relever, sortir les Acadiens de leur infortune et de leur misère. Oui. Les idées, en fait, défendues par ce mouvement marxiste-léniniste, puis on va voir dans un instant qu'il y aura un éloignement graduellement de la mouvance nationaliste acadienne, mais à un moment donné, tout ce monde-là travaille ensemble, l'un à côté de l'autre. Les grandes idées qui sont défendues, s'il y avait un programme, de quoi on parle, quelles idées on met de l'avant? D'abord, l'animation sociale. À l'époque, on insiste beaucoup sur le fait qu'il faut travailler non seulement pour les défavorisés, mais avec eux. Il faut les habiliter politiquement. Les grands mots d'ordre, c'est de les organiser, les informer et les assister. On va aussi critiquer à l'époque les politiques d'aménagement territorial, les autorités gouvernementales qui cherchaient à sortir les gens des régions pour les amener dans les villes. Plutôt que d'avoir des agrégats de personnes ici et là, si on ramenait tout le monde dans les villes, ce serait plus facile de gérer les services au niveau de la province. Mais les militantes et militants étaient d'avis que c'était des politiques néfastes, que nécessairement, les gens des régions qui n'ont pas l'éthique de travail pour travailler en milieu industriel ne vont que devenir des chômeuses et des chômeurs dans les villes. Ça va créer des ghettos de chômeuses et de chômeurs. Alors, eux vont dire non, ça nous prend du développement régional. Il faut, à l'échelle des ressources et des besoins des communautés, développer l'économie. Comment? Notamment en fondant des jardins communautaires, des comptoirs alimentaires, des coopératives de consommateurs. Le mouvement coopératif sera très prisé. Alors, en gros, le programme que vont initialement élaborer les militantes et militants à l'époque sera réformiste. C'est-à-dire qu'on s'accommode de l'État, on accepte de jouer le jeu de la démocratie et on veut le réformer de l'intérieur. Et le Parti acadien va d'ailleurs très bien incarner là, cette volonté de participation politique pour amener du changement afin de relever économiquement la société acadienne. Et c'est un réseau important, ça, au terme de quelques années Ça change rapidement quand même. Hein? C'est-à-dire que c'est le programme qu'on va développer au début des années 1970 qui sera porté par les premières militantes et militants de l'Acadien, du Parti acadien, les conseils régionaux. Mais là, autour de ça, il y a tout un réseau de sociabilité qui va se créer là, ouais. À l'international avec le Québec aussi. L'Agence de presse libre du Québec qui va imprimer la revue L'Acadien à compter de 1974. Et là, on va en quelque sorte commencer à troquer nos auteurs ouais. de la décolonisation pour Marx, Lénine, Mao, et on va commencer à revoir le point par point ouais. l'ensemble du programme initialement réformiste. Donc, ces progressistes les plus engagés dans le marxisme-léninisme s'éloignent des questions nationales acadiennes pour embrasser la lutte globale contre le grand capitalisme, d'où qu'il vienne et quel qu'il soit. Oui, exactement. En fait, la question nationale en vient à être déclassée au rang de ce qu'on appelait une contradiction secondaire. C'est un faux problème. À lire des ouvrages plus marxistes, on en vient à dénoncer le fait que les travailleuses et travailleurs anglophones sont autant opprimés que les travailleuses et travailleurs francophones. Ouais. Alors, on va dire on a tort de fractionner l'unité prolétaire. On ne devrait pas dissocier ces gens-là. On se bat pour la même cause. Alors là, les idées de la décolonisation vont commencer à prendre le bord. Ça sera une leçon qui sera apprise. Il y en aura d'autres. Par exemple, le coup d'État orchestré contre le gouvernement de Salvador Allende en 1973, aux yeux des militantes et militants, c'était une preuve criante qu'on ne pouvait pas arriver à mettre sur pied un gouvernement socialiste par la démocratie. Qu'inévitablement, il serait renversé par des superpuissances. Alors là, le cul-de-sac de la démocratie faisait en sorte que ça ouvrait la porte à l'idée révolutionnaire, hein, d'une révolution peut-être inévitable. Et d'ailleurs, à la suite du coup d'État, on va créer des mouvements de solidarité en Québec-Chili, mais aussi à Acadie-Chili. Oui. Et il y a des réfugiés du Chili qui vont sillonner le territoire du Nouveau-Brunswick et qui vont beaucoup influencer la réflexion militante en Acadie. Par exemple, sur le développement régional. Ouais. Ils vont dire, écoutez, du développement régional, qu'est-ce que vous faites là? L'ennemi, la cible, c'est le système capitaliste. Ouais. Hein, c'est pas le méchant anglophone. Alors, vos petites initiatives, finalement, ne font qu'éponger vos mots plutôt que de s'attaquer au véritable problème. Et le véhicule change aussi. Ça devient carrément un véhicule qui n'est plus acadien comme tel. Ces militants marxistes-léninistes vont se retrouver dans la Ligue marxiste-léniniste du Canada Exactement. Qui va devenir le Parti communiste ouvrier oui. qui va présenter des candidats. Donc, c'est vraiment une autre approche, un autre véhicule. On change de véhicule, effectivement, ouais. oui. Ces militants, marxistes-léninistes du Parti communiste ouvrier du Nouveau-Brunswick, vont mener toutes sortes d'actions. Il y aura bien sûr des candidatures dans les périodes électorales, mais toutes sortes d'actions sur le terrain. L'une des plus connues, ça reste, et des plus emblématiques, ça reste probablement l'engagement des ML lors de la crise du Haran en 1979. Que se passe-t-il à l'automne 79, Philippe Volpé? Oui, ce sera l'un des conflits auxquels vont participer des militantes et militants marxistes-léninistes. Un événement connu depuis comme la guerre du Haran, qui en gros oppose les pêcheurs côtiers de la péninsule acadienne avec les pêcheurs hauturiers, qui avaient des bateaux de pêche à la Seine, beaucoup mieux équipés, plus performants, qui pêchaient en haute mer. Et les pêcheurs côtiers vont leur reprocher de venir leur voler le poisson, hein, d'épuiser la ressource, finalement, qui est à l'origine de leur gagne-pain, et vont demander aux autorités gouvernementales d'intervenir. Et là, l'embargo qui sera donné sera jugé insuffisant par les pêcheurs côtiers pour corriger le problème, pour rectifier le tir. Et puis, ils vont déclencher un mouvement de grève rotative. Ils vont bloquer l'accès au quai aux fameux senneurs pour ne pas qu'ils puissent venir déverser leurs poissons, finalement. Alors, on va faire pourrir des cargaisons de poissons. Et la GRC, alertée de la situation, comme le rappelait le journaliste, va dépêcher l'escouade anti-émeute, balancer des bombes lacrymogènes, disperser la foule, faire des arrestations et convoquer en justice là, les chefs de file de cette manifestation-là. Ça sera ça, en gros, le conflit là, qui va se dérouler en 1979. Et ça nous dit quoi? En quoi cet épisode-là est porteur, est intéressant quant au type d'action et à l'impact qu'auront ou qu'en auront pas les marxistes-léninistes? Deux choses que je retiens, moi, de cet événement-là, que je pense qu'il se caricature très bien par la guerre du Haran, d'une part, la segmentation du milieu ouvrier. Parce qu'à partir du moment où les seigneurs ne déversent plus leurs poissons, ils cessent d'alimenter les usines d'empaquetage de poissons, où il y a aussi des travailleuses et des travailleurs. Alors, les travailleuses et travailleurs d'usines s'opposent aux pêcheurs côtiers, qui, eux, s'opposent aux pêcheurs routuriers. Il y a une espèce de roue d'opposition qui s'enclenche à ce moment-là, alors que les marxistes-léninistes essaient de rallier tout ce beau monde-là ensemble pour la lutte prolétarienne. Alors, ils vont essayer de rectifier le tir. L'Union des pêcheurs maritimes, qui est le syndicat des pêcheurs, va aller tenter de lire un communiqué de presse à la centrale syndicale de Moncton. On leur refuse le droit. On leur dit « Vous êtes noyauté par des communistes de bord en bord. » Ça fait sursauter la Fédération des travailleurs du Nouveau-Brunswick qui dit « Si c'est vrai que vous êtes plein de communistes, on va vous exclure de la Fédération syndicale. » Alors là, on voit un autre problème, c'est-à-dire c'était les préjugés accolés aux marxistes-léninistes, qui souvent suffisaient, hein, par la présence d'un seul membre dénoncé, à condamner tout un mouvement. Hein, par la présence d'un marxiste-léniniste. Ils sont perçus comment, en fait? Il en parlait un petit peu, Gilles Thériault, au tout début de l'émission. De bonne foi, son père lui disait « Tu te trompes, mais oui, je pense que tu es quelqu'un qui est de bonne foi. » Mais comment ils sont perçus, ces idéalistes, par des ouvriers là, qui travaillent dur, jour après jour? Il y a évidemment une bonne intention, probablement au départ, mais un petit côté extraterrestre quand on est dans une usine. Exactement. Je pense que Gilles Thériault l'a très bien résumé au début de l'émission. Il y a un certain scepticisme dans l'air, comme on le retrouve d'ailleurs aujourd'hui face à de nombreux ismes. On comprend mal les idéologies marxistes-léninistes, qu'est-ce que ça veut dire? Hein? Ça fait peur. Et justement, en même temps, vous êtes auprès de nous, vous travaillez avec nous, vous assistez les chômeuses, les chômeurs, les pêcheurs. Vous semblez effectivement de bonne foi. On a du mal à démêler tout ça. Ils ont mauvaise presse, ces marxistes-léninistes-là. Ouais. Et ça va les contraindre, bien souvent, à militer dans la clandestinité. Ce qui est paradoxal pour un mouvement dont une grande part de ses activités sera de l'agitation propagande, hein, de faire la promotion des idéologies marxistes-léninistes en distribuant des tracts, des journaux, etc., mais qui ne peuvent même pas militer ouvertement, hein, au risque de se faire condamner, finalement. Ouais. Avec des codes d'entrée, comme il y en a eu partout. Au Québec, il y avait un Québec rouge à ce moment-là aussi. Toute la mythologie autour de ces groupes clandestins. Ça s'essouffle au début des années 80. Pourquoi? Oui, effectivement. Au début des années 80, déjà, le parti commence à manquer de gaz. Hein. Il y a des gens qui sont désillusionnés, d'une part, en raison des faibles gains obtenus, mais aussi des difficultés de la lutte. Mais ce qui commence à augmenter, c'est plutôt la critique face au sectarisme et au dogmatisme de ces organisations-là. Hein. L'économiste marxiste-léniniste, où on tirait des conclusions très mécaniques sur des enjeux pourtant particuliers, qui auraient demandé d'autres types de réflexions. Alors, par exemple, le mouvement féministe sera une très belle illustration de ça. Alors qu'on s'autorise à parler, par exemple, de la parité salariale, la question de la violence conjugale ou de la violence sexuelle au travail, ça, on dit, tantôt. Hein. Tout de suite, là, ce qui prime, c'est la question de la lutte des classes, c'est la révolution. Et de toute façon, une fois que la révolution sera faite, ces problèmes-là devraient s'annihiler d'eux-mêmes, hein, parce que ça découle de l'exploitation bourgeoise, etc. Et là, il y a des militantes féministes qui se disent, ben, je suis pas sûr. Ouais. On regarde l'organisation, on détecte du chauvinisme mâle. Pourquoi donc une organisation qui ne reflète même pas ces idéaux-là, même si elle arrivait à faire la révolution, changerait la donne? Il y a aussi, bon, évidemment, avec la mort de Mao, là, ces crimes horribles, des dizaines de millions de morts qui seront dévoilés au grand jour pour celles et ceux qui n'avaient pas encore déchanté. Lorsqu'on arrive en 1983, là, on quitte le navire. Est-ce qu'il reste quoi que ce soit de ce passé marxiste-léniniste dans l'Acadie d'aujourd'hui, l'Acadie réelle ou l'Acadie imaginaire? Je vais dire non. C'est-à-dire que tant dans la mémoire que dans la production scientifique, le moment marxiste-léniniste occupe la place d'un trou noir. Ouais. Mais s'il y a un héritage, je vais me permettre de dire que c'est peut-être dans le corps des militantes et militants eux-mêmes. Qui ne sont pas morts, hein, ils sont toujours vivants, d'ailleurs très actifs, se sont engagés dans des mouvements féministes, écologistes, de solidarité internationale, des mouvements syndicaux aussi. Et nombreux sont celles et ceux à avoir reconnu que leur passage dans les mouvements marxistes-léninistes les a formés. Et ça, ils ont porté cet héritage-là avec eux dans les luttes qu'ils ont poursuivies par la suite. Philippe Volpé, chercheur postdoctoral à l'Institut d'études acadiennes de l'Université de Moncton, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci également à toute l'équipe de Radio-Canada Acadie, à toute l'équipe de l'Université de Moncton pour leur précieuse collaboration à la présentation de cette émission. Merci à vous, du public, d'être venu nous voir aujourd'hui. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine. On va poursuivre donc avec une période questions-réponses, 5-10 minutes si vous voulez. Vous pouvez faire des commentaires aussi. Je ne sais pas s'il y a parmi vous des gens qui ont été marxistes-léninistes à l'époque. Maurice Basque, historien bien connu ici, qui a une question ou un commentaire. Monsieur Basque. Pas d'aveu aujourd'hui, mais est-ce que ce sont des gens qui, à partir du Nouveau-Brunswick, allaient au Québec, par exemple, dans des congrès? Je n'ai pas encore eu le plaisir de lire ton livre, mais est-ce qu'ils étaient mobiles à ce point-là, ou même du côté anglophone, qu'on connaît peut-être un peu moins du côté acadien, mais il y avait quand même beaucoup de marxistes-léninistes aussi dans certains milieux anglophones des Maritimes. Mais pour le Québec, par exemple, est-ce qu'on assistait à Montréal dans des grandes rencontres? Oui, en fait, on ne l'a pas dit, mais les deux partis les plus influents là, dans les provinces maritimes, ça a été d'abord le Parti communiste ouvrier. Et ensuite en lutte, qui ont leur siège social, leur assise au Québec. Et il y a effectivement des militantes et des militants qui vont se déplacer pour participer à des congrès. Ceci étant dit, il y a quand même peut-être davantage de militantes et militants du Québec qui seront parachutés ici pour justement là, assister l'organisation du mouvement, appuyer les militantes et militants ici. Mais comme c'est un petit nombre, c'est quand même pas beaucoup de personnes. Mais de part et d'autre, là, il y a un mouvement, il y a une certaine circulation là, qui se fait entre l'Acadie et le Québec, notamment. Et est-ce que comment ça se passe, en fait? Est-ce qu'il y a une différence entre un militant marxiste-léniniste acadien pur beurre et celui qui vient d'ailleurs, du Québec, de Toronto, parce qu'il y a des gens qui vont venir de partout au Canada aussi, là, dans la perception? Déjà, on a dit dans l'émission, ils sont un petit peu vus comme des extraterrestres. Ouais. Mais j'imagine qu'au moins, quand on est acadien, il y a un contact plus personnel qui se fait. Ah, certainement, en fait, les gens qui sont envoyés de l'extérieur, et ce sera le cas pour le PCCML, où il n'y avait pas du tout de militants acadiens, acadiennes, c'est des gens qui arrivaient de l'Ontario qui se sont mis ici. Ces gens-là étaient vus comme des étrangers. Hein, ouais. On se disait, bon, qu'est-ce que vous venez faire ici, nous parler de révolution? Alors, comme le disait Gilles Thériault, hein, il y a un peu de ça. C'est-à-dire, ces gens-là, c'était des Acadiennes et des Acadiens. Et les gens se disaient, mais c'est nous, finalement. Alors, on était plus enclins à collaborer avec ces personnes-là, les écouter, parce que c'était les gens de la place, comme on dit. Et ça, ce serait peut-être la grande différence, là. C'est-à-dire que le militantisme marxiste-léniniste a mieux pris là où il était porté véritablement par les Acadiennes et les Acadiens que par des gens de l'extérieur. Autre question, autre commentaire? Bonjour, Marc Poirier. Après la disparition, parce que je pense que si j'ai bien compris, beaucoup de ces gens-là se sont un peu mêlés avec le Parti acadien. Après la disparition du Parti acadien, vers quelle affiliation politique ils ont eu tendance à aller? Oui. Ça, on n'en a pas parlé non plus. Je vais faire une petite histoire brève. Ça va vite, 23 minutes. Oui, oui. La montée, en fait, on s'affirme d'abord socialiste dans le Parti acadien. Puis ensuite, peu à peu, là, on en vient à se radicaliser. Là, on critique le réformiste, là, point par point. Puis là, on se dit, ben, ce que ça nous prend, là, c'est un parti marxiste-léniniste d'avant-garde. Alors, quelques jours avant le congrès de 1977 du Parti acadien, les militantes et militants vont proposer leur projet marxiste-léniniste. Et il sera refusé par une bonne part des membres du Parti acadien. Alors, eux, ils vont sortir en claquant la porte, puis, bon, ils vont partir avec la Ligue communiste marxiste-léniniste du Canada. Ce qui va rester à l'époque dans le Parti acadien, c'est les nationalistes. Parce que les socialistes modérés sont déjà partis, en raison du sectarisme et du dogmatisme. Tu n'échangeais pas beaucoup avec un marxiste-léniniste. Eux avaient la réponse. Elle était prête, là. Ce qui reste dans le Parti, c'est les nationalistes qui étaient déjà là depuis le début, mais bon, qui avaient peut-être été acculés là, au pied du mur. Et ce qu'ils vont faire au congrès de 1977, c'est mettre à l'avant de la plateforme électorale l'idée de créer une province acadienne qui était présente en germe mais qui avait été mise de côté. Mais là, ils ont le champ libre, alors que les marxistes-léninistes avaient écarté la question nationale, qui est un enjeu secondaire, une contradiction secondaire. Grâce au départ des marxistes-léninistes que la province... Finalement, il y a eu ce vote-là en 79 sur la province acadienne. Le Parti acadien a joué un très grand rôle là, dans la promotion de cette province-là, mais ça date quand même, il faut le dire, là, André Dumont, le père intellectuel de la province acadienne, l'avait proposé aux États généraux en 1967. Et c'était présent dès le début du parti, mais pas mis à l'avant de la plateforme. Ce qui est important, comme le disait notamment le premier président de la SNB, Pierre Poulin, c'est pas... Et il dit, moi, je me sens mal dans des communautés acadiennes parler de langue et de culture. Ce que ces gens-là ont besoin, c'est de manger et de se nourrir. Alors, on avait comme mis au rancard la question nationale en faveur des questions économiques. Mais là, lorsque partent les marxistes-léninistes, tout ce qui reste, c'est les nationalistes. La province acadienne va avoir le vent dans les voiles. Et à la Convention d'orientation nationale acadienne de 1979, lorsqu'on va voter à plus de 50 % un projet autonomiste, là, soit une république, un pays ou une province, ce sera grandement redevable à ce militantisme porté par le Parti acadien. Et à terme, pour faire un peu de pour pousser la question de M. Poirier plus loin, ils se retrouvent où politiquement, ces gens-là? Au NPD, orphelin politique, j'imagine 10... Une fois que le Parti acadien tombe en 1982, finalement, un peu partout. C'est assez varié. Moi, lorsque j'ai interviewé Euclide Chiasson, qui a été le premier président du parti, il m'a dit, tu sais, quand on a créé le parti, on était tellement tourné vers les idéologies ou les idées en vogue à l'époque qu'on a ramassé du monde de toutes les orientations. Ouais. Et le parti a beaucoup vivoté en raison de ça. Hein. Ce qui fait qu'effectivement, il y en a qui se sont tournés du côté du NPD, d'autres plutôt à l'écart de la politique, mais il y a des anciens marxistes-léninistes aussi même qui sont allés du côté du Parti libéral. Ouais. On les retrouve vraiment partout, dépendamment d'où on est aussi. Même Mathilda Blanchard, qu'on a entendue à l'émission, elle s'était tournée vers le Parti progressiste conservateur. Ah bon? Et là, pour beaucoup de gens, ça détonne. Et on m'expliquait que dans la péninsule acadienne, on vote continuellement rouge. Alors, pour opposer finalement ce qui se fait traditionnellement, on pouvait avoir tendance à se tourner vers le Parti progressiste conservateur comme mouvement d'opposition, ouais, par exemple. Alors, c'est assez varié là, où se sont retrouvées ces personnes-là. Il y a des gens qui ont resté dans les milieux, disons, gauche, ouais, d'autres qui ont basculé plutôt vers le centre. Autre question, autre commentaire? Caroline Morin, qui a une question recherchiste à l'émission. Oui, ce n'est pas l'objet précis de votre recherche, mais puisque vous les avez évoqués, je suis curieuse de savoir, le mouvement féministe, lui, à la même époque, est-ce qu'il était fort? Ça en semblait un peu en réaction là, au parti... Oui, il y a un mouvement féministe en branle à l'époque en Acadie qui reste, et ça, j'aimerais le dire, on n'a pas beaucoup travaillé l'histoire des mouvements sociaux en Acadie. Hein. C'est assez neuf, assez nouveau, alors c'est toujours un peu difficile de faire le point sur ces questions-là. Mais il y a un mouvement féministe qui fait que, d'ailleurs, beaucoup de militantes et militants féministes qui vont joindre les marxistes-léninistes, à un moment donné, vont s'indigner de l'absence des femmes. Puis, même dans les réunions, comment ça se fait que c'est nous qui écrivons les PV? Comment ça se fait que c'est nous qui allons chercher le café? Bon, ça, on s'entend, là. Il y a des choses qui n'ont peut-être pas tellement changé, malheureusement. Mais le mouvement féministe est en branle. Il a aussi des antécédents depuis les années 1960 et même avant. Au tournant des années 1980, là, il va vraiment avoir le vent dans les voiles, comme d'autres mouvements, le mouvement homosexuel aussi, qui était aussi mis à l'écart par le mouvement marxiste-léniniste, qui va recommencer à monter. Les mouvements de solidarité internationale explosent avec les ONG, etc. Alors, le mouvement existe bel et bien à l'époque en Acadie, mais il reste, de mon point de vue, mal connu. Et cette rupture, en fait, par rapport à l'homosexualité, par rapport au féminisme, aux femmes, on la retrouve exactement de la même manière chez les ML au Québec. Exactement. Ouais. Ça a été l'une des grandes questions, l'homosexualité. Je veux dire, il y avait des membres homosexuels. C'était bourgeois, dans le meilleur... c'est ça. Dans le meilleur des cas, on allait dire qu'on avait peur que le membre se fasse chanter sur un enjeu comme ça. Donc, on ne veut pas le recruter parce qu'on va miser sur les mœurs homophobes pour qu'il livre il dénonce les activités marxistes-léninistes. Mais dans le pire des cas, on allait dire, c'est ça, c'est une pratique petite bourgeoise. Là, il faut annihiler ça, l'homosexualité. Donc, on entend le ridicule. Merci. Merci beaucoup, tout le monde. Merci d'être venu.